Is it you, pétasse? Baby girl, désolé, j'sais pas, j'ai perdu la tête. J'sais pas pourquoi, mais j'regrette. Putain de sa mère, j'suis trop bête. Baby girl, j'étais lâche, égoïste et malhonnête. Quel enculé j'ai pu être, tout ça pour des putes du net. Baby girl, en vrai, toi t'as rien à te reprocher. J'aurais compris se rapprocher, mais tu préfères accrocher. Baby girl, j'imagine qu'un autre a déjà vu ta chatte. Qu'un autre a déjà pris ma place. J'imagine que j'nique sa race. Baby girl, voilà. Tiens, ça c'est ma fierté. En vrai, personne peut me l'ôter. Mais pour toi, je la mets de côté. Tiens, tu peux même marcher dessus. Je sais que je t'ai grave déçu et causé de graves blessures. Je suis pas parfait, ça c'est sûr. Baby girl, honnêtement, je regarde ton compte discrètement. Je rêve de quand tu te réveillais près de moi sans tes vêtements. Baby girl, tu sais, sans toi c'est plus la même. Dans mon cœur, ça pue la merde. Quand je me dis que t'es plus la mienne, baby girl, ah ouais. Compte le temps qui passe, subis le temps qui passe, j'maudis le temps qui passe, baby girl, ah ouais. J'compte le temps qui passe, subis le temps qui passe, j'maudis le temps qui passe, baby girl, mis à mort. Je sais que tu me souhaites la mort, mais bon t'en fais pas pour moi. J'me fais bouffer par l'air mort, ok j'mérite tes insultes. J'ai honte, rêve de m'isoler, loin de là sur une péninsule. Mais bon maintenant faut que j'assume, baby girl, désolé. Toi t'as rien à te reprocher, toi t'as toujours été droite. Moi j'ai toujours été froid, tu te rappelles? Je disais, tu buterais celui qui te fait du mal. C'est moi qui t'ai fait du sale, c'est moi qui mérite la balle. Baby girl, en vrai, depuis je te jure j'ai la haine. Quand je pense à toi j'ai de la peine, je pense même à toi quand je les ken. Alors je fume pour rester zen, ferme les yeux je refais les scènes. Ferme les yeux je te vois quand même, j'aimerais qu'on se revoie quand même. Baby girl, tu me diras, fallait y penser avant. C'est navrant, je me dis que j'apprends, j'y penserai dorénavant. Puis de toute façon ça fait longtemps, tu veux plus de moi et je comprends. Maintenant je prie pour ton bonheur, pardon pour le déshonneur. Baby girl, tu sais, j'ai pas trop avancé. Bon tu connais, je fais ma vie, mais tu traînes dans mes pensées. Baby girl, tu sais, sans toi c'est plus la même. Dans mon cœur ça pue la merde, quand je me dis que t'es plus la mienne. Baby girl, ah ouais. Compte le temps qui passe, subis le temps qui passe, j'maudis le temps qui passe, baby girl, ah ouais. J'compte le temps qui passe, subis le temps qui passe, j'maudis le temps qui passe, baby girl, mis à mort. Je sais que tu me souhaites la mort, mais bon t'en fais pas pour moi. J'me fais bouffer par l'air mort, ok j'mérite tes insultes. J'ai honte, rêve de m'isoler, loin de là sur une péninsule. Mais bon maintenant faut que j'assume, baby girl, ah ouais.